Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Travail à cœur. Je suis Marilyn Gomez et c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Le thème de cette émission est les femmes et la violence au travail, prévenir et reconstruire. Frédéric Martz, quand une femme est victime de violence, à quels signaux faut-il prêter attention? Que peut faire l'entourage, qu'il soit proche ou que ce soit les collègues de travail? Alors, ont été relevés un certain nombre de termes en fait qui m'ont un peu interpellée. C'est l'emprise. Hein. Je voudrais revenir un peu sur ce sujet, mais aujourd'hui, de quoi parle-t-on? En fait, on parle des femmes victimes de violence, mais de quelle violence? De quelle forme de violence et aussi dans quel environnement. Ça peut être du personnel comme dans l'environnement professionnel. Cette distinction, en fait, on l'a fait d'autant plus qu'aujourd'hui, les entreprises sont amenées à agir quel que soit le lieu dans lequel les violences ont été perpétrées. Donc, c'est intéressant de dire qu'aujourd'hui, l'intrafamilial, les violences conjugales, concerne aussi les entreprises pour plein de raisons et on sait aussi combien les violences subies peuvent avoir des impacts sur la, on va dire simplement le comportement du salarié, voire sa, on va dire sa productivité. Donc c'est important de reconsidérer et de dire aujourd'hui une personne peut être victime de plusieurs formes de violences, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées. Là où on revient en fait et on re-cible sur l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui? Une femme victime de violence, par exemple dans l'intrafamilial, le DRH a un grand rôle important en fait et qui peut avoir une fonction très précise au moment où une personne est embauchée. Une personne qui n'indique pas son compte bancaire personnel, mais celui de son conjoint, sans pour autant figurer sur un compte conjoint, on peut s'interroger sur est-ce que cette femme n'est pas victime d'une forme de violence qu'on appellera aussi ici une violence économique. Après, dans les comportements, effectivement, on a parlé du burn-out, par exemple. Le burn-out, c'est aussi un grand sujet d'entreprise. Mais aujourd'hui, le burn-out, il n'est pas nécessairement lié à une violence subie dans l'entreprise, mais il peut être les conséquences d'une violence intrafamiliale qui a des conséquences sur le travail de la victime et évidemment de sa situation et de son contexte, on va dire, qu'on va qualifier de burn-out, par exemple. Mais quels sont ces signes? Est-ce qu'il y a des signes auxquels on peut prêter attention? Alors le problème, les signes ne sont pas identifiables puisqu'on parlait d'open space tout à l'heure. C'est vrai qu'en général, les open space ne prêtent pas à un échange avec un collègue de manière plus intime. Il faut déjà que ce collègue, on le voit à l'extérieur de l'entreprise pour effectivement pouvoir déceler des signes. C'est seule la position en fait d'un DRH qui peut effectivement amener à déceler évidemment des contextes de souffrance psychique, voire de violence physique visible. Et là, on va parler de la médecine du travail. Nous, on ne s'isole jamais de ce secteur qui est très important dans les entreprises, c'est le secteur de la santé. C'est là qu'on peut y retrouver effectivement des intervenants qui potentiellement peuvent être dans la prévention et dans le signalement, parce qu'il faut parler aussi de cet aspect-là. Le signalement est très important. À quel moment on peut signaler que l'on constate un mal-être chez l'autre? Là, on est dans le domaine privé, mais il faut aussi pouvoir être très engagé pour le faire. Et je pense que la médecine du travail, en l'occurrence, devrait pouvoir ouvrir un peu plus ce sujet-là.